partir de maintenant, c'est chacun son tour de choisir la musique parce que franchement, et je ne suis pas seul dans ce cas, j'en ai marre de tes chansons pour Club du Troisième Âge. Où c'est le carnage, les regards se croisent, les pensées se heurtent. Les esprits se forgent, les mots ne sortent plus par peur. Et même les gestes attirent une certaine rancœur. Et c'est dans la peur, mon amour, qu'on calcule sa haine, ses mots par amour. Afin que ce qui reste, reste pour toujours. Et ce, dans l'envie de vivre de meilleurs jours. Mais les phrases se stoppent, ou les gestes l'emportent. Les portes s'entrechoquent, les regards ne se croisent plus par peur. Et le vide garde toujours cette putain d'odeur. Et c'est dans la peur, mon amour, qu'on décide de tout effacer par amour. Afin que ce qui pousse pour longtemps ne soit pas le fruit d'un amour trop pesant. Si les mots nous blessent, le regard fait le reste. L'ignorance nous pèse, faire face ne peut que faire peur. Et bien souvent le vide t'apporte un peu de bonheur. Et c'est dans la peur, mon amour, qu'on joie vivre sans l'autre demain, mon amour. Afin que ne résonnent ces appels pour toujours. Que nos mains tendues ne soient pas un dernier appel au secours. Les esprits se forgent, les regards se croisent. Les pensées se heurtent. Les portes s'entrechoquent et les gestes l'emportent. Et les phrases se croisent, rien que des mots qui frappent, des regrets qui tardent. La colère, la haine, la douleur fait que bien souvent le vide t'apporte un peu de chaleur. Et c'est dans ces peurs, mon amour, qu'on sent la force de claquer la porte, mon amour. Afin que derrière ne reste que ce goût amer de celui qui t'a si souvent mis en colère. Et le vide s'approche, tes absences m'emportent, tes mensonges m'emportent. Et l'envie de s'accrocher une dernière fois s'empare de moi. Autour c'est le vide, je ne vois que ça. Et c'est dans la peur, mon amour, qu'on décide de céder par amour. Afin que ne résident ces appels au secours. Ne plus vivre dans l'espoir de vivre de meilleurs jours. Les esprits se forgent, les regards se croisent. Les pensées se heurtent. Mais le vide s'accroche et la haine m'emporte, tes mensonges m'en moquent. Et même s'ils ont raison ou tort, rien ne peut braver l'amour que je te porte à tort. Et c'est dans ces peurs, mon amour, qu'on se sent si seul, par amour. Avoir poussé avec le temps ce qui n'est pas le fruit d'un amour trop pesant. Les esprits se forgent, les regards se croisent, les pensées se heurtent. Mais les phrases se stoppent. Et les gestes l'emportent. Où c'est le carnage, les regards se croisent, les pensées se heurtent, les esprits se forgent, les mots ne sortent plus par peur. Et même les gestes attirent une certaine rancœur. Et c'est dans la peur, mon amour, qu'on calcule sa haine, ses mots par amour. Afin que ce qui reste, reste pour toujours. Et ce, dans l'envie de vivre de meilleurs jours. Les esprits se forgent, les regards se forgent.